Unité 47. Conversation. Écoutez. Tiens, en voilà qui vont avoir des surprises en arrivant. Effectivement, le flic m'a l'air bien occupé. Mais pourquoi ne peut-on pas stationner ici? Tu vois bien, parce que la rue est trop étroite. Tu as raison, les gens ne sont pas sérieux. Oui, même en serrant bien, on ne peut pas se croiser avec toutes ces bagnoles. Répétez. Ah, tiens, en voilà qui vont avoir des surprises en arrivant. Deux. Effectivement, le flic m'a l'air bien occupé. Trois. Mais pourquoi ne peut-on pas stationner ici? Quatre. Tu vois bien, parce que la rue est trop étroite. 5. Tu as raison, les gens ne sont pas sérieux. 6. Oui, même en serrant bien, on ne peut pas se croiser avec toutes ces bagnoles. Répondez, répétez. 7. Tiens, en voilà qui vont avoir des surprises en arrivant. 8. Effectivement, le flic m'a l'air bien occupé. 9. Mais pourquoi ne peut-on pas stationner ici? 10. Tu vois bien, parce que la rue est trop étroite. 11. Tu as raison, les gens ne sont pas sérieux. 12. Oui, même en serrant bien, on ne peut pas se croiser avec toutes ces bagnoles. 12. Donne-moi de l'argent, je n'en ai plus. Zut, nous avons oublié de passer à la banque. Comment allons-nous faire? Comme j'ai une carte bleue, ce n'est pas un problème. Ah bon? Non, il suffit de trouver un distributeur. Mais où vas-tu en trouver un? Il me semble qu'il y en a un sur les Champs-Élysées. Répétez. 13. Donne-moi de l'argent, je n'en ai plus. 14. Zut! Nous avons oublié de passer à la banque. 15. Comment allons-nous faire? 16. Comme j'ai une carte bleue, ce n'est pas un problème. 17. Ah bon? 18. Non, il suffit de trouver un distributeur. 19. Mais où vas-tu en trouver un? 20. Il me semble qu'il y en a un sur les Champs-Élysées. Répondez, répétez. 21. Donne-moi de l'argent, je n'en ai plus. 22. Zut, nous avons oublié de passer à la banque. 23. Comment allons-nous faire? 24. Comme j'ai une carte bleue, ce n'est pas un problème. 25. Ah bon? 26. Non, il suffit de trouver un distributeur. 27. Mais où vas-tu en trouver un? 28. Il me semble qu'il y en a un sur les Champs-Élysées. Écoutez. Sophie veut aller au marché aux puces. 29. Tu n'as pas envie d'aller faire un tour au marché aux puces? 30. Aussi, dès que j'ai une matinée de libre en fin de semaine, je t'appelle. 31. Oui, mais dis-le-moi avant que je ne prenne d'autres engagements. 32. Je te le dis avant de m'asseoir. Répondez, répétez. 33. Tu n'as pas envie d'aller faire un tour au marché aux puces? 34. Aussi, dès que j'ai une matinée de libre en fin de semaine, je t'appelle. 35. Oui, mais dis-le-moi avant que je ne prenne d'autres engagements. 36. Je te le dis avant de m'asseoir. Sophie et Marc sont au marché aux puces un samedi matin. Écoutez. Tu cherches quelque chose de précis? Non, mais en repartant, j'aurai certainement acheté quelque chose. Tu as encore de la place dans ta maison? Oh oui, surtout depuis que nous avons une résidence secondaire. Ces chandeliers te plaisent? Bien qu'ils soient un peu chargés, Ils ne me déplaisent pas. Maintenant, on ne serait plus capable de faire ces choses-là. Je vois où je pourrais les mettre. Tu ne crois pas qu'ils iraient bien sur la commode de l'entrée? Oui, peut-être, en leur mettant des bougies. Alors, tu les prends? Oui, mais avant, je vais discuter le prix. Répétez. 37. Tu cherches quelque chose de précis? 38. Non, mais en repartant, j'aurais certainement acheté quelque chose. 39. Tu as encore de la place dans ta maison? 40. Oh oui, surtout depuis que nous avons une résidence secondaire. 41. Ces chandeliers te plaisent? 42. Bien qu'ils soient un peu chargés, ils ne me déplaisent pas. 43. Maintenant, on ne serait plus capable de faire ces choses-là. 44. Je vois où je pourrais les mettre. 45. Tu ne crois pas qu'ils iraient bien sur la commode de l'entrée? 46. Oui, peut-être, en leur mettant des bougies. 47. Alors, tu les prends? 48. Oui, mais avant, je vais discuter le prix. Répondez, répétez. 49. Tu cherches quelque chose de précis? 50. Non, mais en repartant, j'aurais certainement acheté quelque chose. 51. Tu as encore de la place dans ta maison? 52. Oh oui, surtout depuis que nous avons une résidence secondaire. 53. Ces chandeliers te plaisent? 54. Bien qu'ils soient un peu chargés, ils ne me déplaisent pas. 55. Maintenant, on ne serait plus capable de faire ces choses-là. 56. Je vois où je pourrais les mettre. 57. Tu ne crois pas qu'ils iraient bien sur la commode de l'entrée? 58. Oui, peut-être, en leur mettant des bougies. 59. Alors, tu les prends? 60. Oui, mais avant, je vais discuter le prix. Écoutez. Si nous emmenions les enfants faire des tours de manège. Oui, il y a beaucoup de nouveaux manèges pour eux cette année. Je me souviens. Quand j'étais enfant, j'adorais les auto-tamponneuses. Ah, j'ai compris. C'est toi qui as envie d'aller à la fête. Non, mais puisqu'il fait beau et que... Oui, et puis, les enfants n'ont plus beaucoup l'occasion de voir des fêtes foraines. Répétez. 61. Si nous emmenions les enfants faire des tours de manège. 62. Oui, il y a beaucoup de nouveaux manèges pour eux cette année. 63. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'adorais les auto-tamponneuses. 64. Ah, j'ai compris. C'est toi qui as envie d'aller à la fête. 65. Non, mais puisqu'il fait beau et que... 66. Oui, et puis, les enfants n'ont plus beaucoup l'occasion de voir des fêtes foraines. Répondez, répétez. 67. Si nous emmenions les enfants faire des tours de manège. 68. Oui, il y a beaucoup de nouveaux manèges pour eux cette année. 69. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'adorais les auto-tamponneuses. 70. Ah, j'ai compris. C'est toi qui as envie d'aller à la fête. 71. Non, mais puisqu'il fait beau et que... 72. Oui, et puis, les enfants n'ont plus beaucoup l'occasion de voir des fêtes foraines. Écoutez. Maman, je peux faire une tour d'autotamponneuse? Tu es trop petite pour y aller seule. C'est dangereux. Mais tu vois bien, les autres, ils ne sont pas plus grands que moi. Pour que ta mère n'ait pas trop peur, je vais y aller avec toi. En partant, nous irons sur la grande roue. Ah non, là où j'aurai des vertiges. Pour ne pas avoir de vertiges, il suffit de fermer les yeux. Non, je préfère les chevaux de bois. Répétez. 73. Maman, je peux faire une tour d'autotamponneuse? 74. Tu es trop petite pour y aller seule. C'est dangereux. 75. Mais tu vois bien, les autres, ils ne sont pas plus grands que moi. 76. Pour que ta mère n'ait pas trop peur, je vais y aller avec toi. 77. En partant, nous irons sur la grande roue. 78. Ah non, là où j'aurai des vertiges. 79. Pour ne pas avoir de vertiges, il suffit de fermer les yeux. 80. Non, je préfère les chevaux de bois. Répondez, répétez. 81. Maman, je peux faire une tour d'autotamponneuse? 82. Tu es trop petite pour y aller seule. C'est dangereux. 83. Mais tu vois bien, les autres, ils ne sont pas plus grands que moi. 84. Pour que ta mère n'ait pas trop peur, je vais y aller avec toi. 85. En partant, nous irons sur la grande roue. 86. Ah non, là où j'aurai des vertiges. 87. Pour ne pas avoir de vertiges, il suffit de fermer les yeux. 88. Non, je préfère les chevaux de bois. Écoutez. 89. Faites un peu attention, que vous allez vous salir et vous faire mal. 90. Mais fous-leur un peu la paix. 91. Bien sûr, mais après, qui c'est qui lave? 92. Peut-être, mais en les emmenant ici, tu devais te douter qu'ils allaient se salir. 93. Et en tombant? 94. Mais ne sois pas si mère poule. Laisse-les s'amuser. Répondez, répétez. 95. Faites un peu attention, que vous allez vous salir et vous faire mal. 96. Mais fous-leur un peu la paix. 97. Bien sûr, mais après, qui c'est qui lave? 98. Peut-être, mais en les emmenant ici, tu devais te douter qu'ils allaient se salir. 99. Et en tombant? 100. Mais ne sois pas si mère poule. Laisse-les s'amuser.